très intéressé par ta conclusion sur le détachement de l'œuvre, je ne sais pas comment il faudrait appeler ça, c'est-à-dire cette espèce de. Enfin, cette consigne que tu donnes de ne pas rabattre l'œuvre au sol, de ne pas l'arrêter. Et en effet, ces expériences qu'on fait tous, peu ou prou, que ce soit pour une œuvre intellectuelle, pour n'importe quelle chose plus, plus modeste parfois, d'aller voir un lieu et on a tellement construit, modifié, déconstruit, anticipé que. Je pense qu'il y a des registres différents, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un décalage, il y a une construction, une représentation qui anticipe sur la rencontre du réel. Et du coup, je pense que c'est assez complexe, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une forme de déception, ce que suggère ton mais ce n'est que cela. En même temps, tu le dis, et dans le temps, on entend que c'est aussi, ah, mais c'est quand même tout ça, quoi. Oui, c'est-à-dire que je pense que là, il y a des modalités différentes. Alors, c'est pour ça que je dis comme type de boutade, si un chercheur extérieur devait venir enquêter sur le raison. Ah oui, c'est un rabat le cresson. Oui, d'accord. Si tu conclus comme ça, tu ne peux pas encourager beaucoup. Ça ne peut pas venir du cresson. Ce soit complètement extérieur. Et ça, c'est vraiment un des handicaps du cresson, c'est qu'on ne peut pas en sortir. Non, je pense qu'il faudrait même. Si vraiment tu penses que tu dis, il faut que tu nous aides. Il faudrait quelqu'un, quelqu'un qui vient d'étranger et qui pose toutes les questions naïves, un peu comme un anthropologue qui débarque dans une société et qui pose toutes les questions qu'on n'ose pas poser, quoi. Et à qui on répond parce qu'il est étranger. En fait, cette histoire de ne pas rabattre les œuvres au sol, ça m'est venu aussi, non seulement en étant hier soir là-bas, mais aussi du fait qu'il y a une espèce comme ça de mode en histoire de l'anthropologie, aujourd'hui, à laquelle j'ai un peu participé en allant moi-même, comme je disais, voir au mi des bêtes travailler d'un côté, fond de l'autre. Qui consiste à retourner sur les lieux de recherche des anthropologues de la génération précédente et à retrouver d'anciens informateurs et parfois montrer que l'anthropologue en question n'avait rien compris. L'exemple le plus célèbre étant évidemment Margaret Mead, hein, flinguée par Derek Freeman en disant bon, elle n'a rien vu, elle n'a rien compris, on s'est foutu de sa tête, on a. Bon, bref. Et je dis oui, mais enfin quoi. Quand on joue, qu'est-ce que ça apporte de plus au savoir? Une espèce de, je dirais, de vulgarité dans cette démarche dont je me méfie beaucoup. Et en même temps, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de. Inconsciemment, inconsciemment, j'en sais rien, je m'étais dit, tiens, c'est quand même pas mal que j'aille une fois voir la requin de la même manière que je m'en veux, et dans certains cas, j'ai dirigé une thèse sur les marchés de Saint-Étienne, de Jean-Pierre Sély, sans jamais foutre les pieds sur les marchés de Saint-Étienne, ça me semble. Bon, et en même temps, c'est vrai que j'ai à l'esprit le marché de Saint-Étienne comme personne. Hein. Je peux vous raconter où est le marchand de saucisses à côté, le marchand de. Donc, là, je crois que j'ai eu vraiment tort et que méthodologiquement, si je suis un étudiant, il faut aller avec lui sur le terrain. Évident, mais je vais voir. Dans le cadre d'une reconstitution avec un gros décalage comme c'est le cas ici, on peut le faire en étant très conscient de ce qu'on fait. Et il ne faut surtout pas en tirer parti. Et laisser l'œuvre réverbérer et garder toute sa puissance d'évocation. Juste après, je laisse la parole, mais ce qui m'interroge, je ne sais pas du tout le formuler, mais c'est que j'ai le sentiment qu'il y a derrière cette. Ça marche pas. Peut-être descendre, ils ont du mal à l'entendre. C'est off ou on? On, voilà. C'est déjà on. Simplement, j'ai fait un petit détour par ça. Puisque je suis en voix off maintenant, ayant allumé on, je comprends jamais le sens. Mais je pense que derrière cette question-là, du détachement de l'œuvre, entre guillemets, il y a une espèce de différence, ça ne marche plus. C'est la fille qui est intensive. Parti chercher à rechercher. Entre la position du chercheur et la position du projeteur. Je pense qu'il y a un rapport, mais je ne sais pas bien le formuler. C'est pour ça que je disais, derrière ce décalage, il peut y avoir une forme de déception, mais il y a aussi des formes de découverte. Oui, c'est le décalage qui fait sens. Quoi. C'est que, tout à coup, j'ai le sens qui naît parce que il y a un référent d'une autre nature qui se met en place et qui décale par rapport au référent de la représentation que constitue l'œuvre, etc. Et en situation de projet, je pense que la nature du décalage, il y a probablement les mêmes modalités qu'on retrouve, mais la nature du décalage, c'est un autre ordre. Mais je n'ose pas aller plus loin parce que je ne sais pas très bien quoi. Mais en tout cas, quand je suis en pratique en situation de projet urbain, des choses comme ça, je sais que l'investissement sur le terrain matériel, je ne sais pas dire dans la réalité du terrain, parce que justement, on n'est pas plus réel que celui qu'on imagine, met dans une nature de décalage qui n'est pas du même ordre que celle d'une reconnaissance par rapport à un travail qui a un enjeu scientifique. Mais par contre, je pense qu'il y a une espèce d'interrogation là-dessus qui est vachement intéressante. Réfléchir ce passage qui est quand même un des enjeux, en tout cas pour certains du Cresson, de l'articulation entre la production de savoir et la production et l'invention de projets. Entre la posture du chercheur et la posture du projeteur, qui est quand même un des grands paradoxes qu'on essaie de nier par l'invention de certains types de notions, comme la notion du fait, etc. Et là, je trouve que ce que tu as dit, il y a un truc qu'il faudrait interroger. Et je ne suis pas plus sûr de pouvoir vraiment l'exprimer de manière analytique, quoi. C'était de l'ordre de la bouffée d'impression, de sensation. Par exemple, une piste que je trouverais, que moi je trouverais utile pour moi, c'est de travailler sur la lumière ou la luminosité à l'arlequin. C'est-à-dire qu'au travers des photos qui sont ici, j'avais l'impression qu'elles étaient prises par ce temps de pluie et la dominante était grise. Mais c'est non, ça, c'est oui, de ce style-là, hein. Bon, oui. Et c'est vrai que quand je... Mais c'est ça qui a façonné mon image mentale, hein, dans le cadre pendant des années. Là, j'ai d'ailleurs... Je n'ai pas osé monter. Je ne les ai pas retrouvés, c'est possible. La plupart que n'existe plus. Ah, la plupart n'existe plus. Alors, je me suis... À la fois, c'était donc 7h30... Enfin, 19h30, 20h, donc le soleil n'éclairait plus, mais il y avait quand même globalement une luminosité plus grande que celle que j'avais dans la tête. Et je me dis, tiens, je me rappelle le collègue à Liège, le nom va peut-être m'en revenir, qui travaille sur les modèles d'éclairement par le soleil. Il faisait tourner le soleil autour du projet pour voir si le tour allait faire de l'ombre sur un autre quartier et ainsi de suite, notamment à Liège, une tour était combattue par les habitants d'un quartier populaire parce qu'ils estimaient qu'ils allaient se retrouver dans l'ombre la plupart du temps. Et donc, je me dis, tiens, c'est marrant, je n'avais pas songé à cette dimension de la lumière sur l'arlequin qui doit quand même être très, très présent. Très prenant. Henri, alors il y a plusieurs questions. Juste avant de laisser la parole. Tout d'abord, moi je crois que je voudrais vous remercier pour avoir fait cette lecture extrêmement intéressante pour nous et extrêmement rare, parce que c'est très très particulier d'avoir cette situation telle qu'on la vit cet après-midi, d'avoir quelqu'un qu'on fréquente depuis, j'ose pas dire le nombre d'années, parce que ça fait très longtemps, et avec qui on a fait un parcours important, et dans ce coup dont on vient d'avoir une lecture venant de l'extérieur, bien que vous ne soyez pas tout à fait un étranger pour nous, mais quand même, il y a quand même cette vision de l'extérieur et qui brosse un tableau qui est extrêmement riche, généreux et très ouvert. Et c'est comme si ça, d'un seul coup, ça dessinait les yeux, ça permettait de mieux voir ce qu'on avait vécu au-dessous de soi-même. Donc, on ne voit pas forcément la formulation. Et c'est donc, merci beaucoup pour cette démarche. Mais alors, après, ce que je voudrais dire, c'est que, par rapport, il est sorti en 79, qui est l'année de fondation du Cresson. Et c'est très intéressant de voir qu'il est issu donc, de la thèse de Jean-François qui s'appelle Le Pas. Et entre les deux, entre le pas et pas à pas, il y a toute la dimension de la chronologie qui s'introduit, dans le titre au moins. Le pas, il y avait un côté, finalement, constat des choses, analyse du champ, qui était peu différent de la publication. La publication est devenue plus vive, plus concentrée aussi les choses. Mais moi, je trouve qu'il y a toute la fondation du Cresson dans la démarche de mettre de passer du pas, le pas, à pas à pas. Là, d'un seul coup, on rentre dans un processus qui est d'abord qui ouvre vers une progression et qui ouvre aussi vers un certain collectif. Et c'est, moi je trouve que la façon de voir les choses, de dire ce livre-là, il dit tout presque tout de suite, je pense qu'il annonce beaucoup de choses tout de suite. Mais c'est presque le développement du Cresson, et notamment des travaux de Jean-François au sein du Cresson, bien entendu, qui voit le développement de ce que Pas à Pas annonce. Et puis nous, à la suite, ce qu'on a essayé de faire au sein du laboratoire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce texte-là, moi je peux dire, pendant à peu près une vingtaine d'années, on n'en a jamais entendu parler au Cresson. Et non, ce n'était pas un texte qui était central. Il était la référence, mais il n'était pas d'usage quotidien. Pour une raison simple. Non, mais c'est intéressant pour notre débat d'aujourd'hui, il me semble. C'est parce que j'ai l'impression que, bien sûr, tout le monde le connaissait, c'était quelque chose qui était intégré dans les processus d'apprentissage, du laboratoire et tout ça. Mais sachant qu'on travaillait sur des objets qui n'étaient pas ceux-ci directement, on travaillait beaucoup plus sur le sonore, sur des découpages du sensible qui n'étaient pas forcément les mêmes exactement que Pas à Pas. C'était un ouvrage qui était moins la référence quotidienne que les travaux qui ont immédiatement suivi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la marche, qui est centrale dans Pas à Pas, et je reviens à notre sujet de séminaire, je me demande si la marche, ce n'est pas finalement le paradigme du sensible dans la ville. C'est-à-dire que c'est l'attitude finalement la plus ouverte qui interpelle l'ensemble des sens, qui les relie, qui construit l'espace dans cette réaction à la fois d'action et de ressenti, et qui fait que Pas à Pas préfigurer en quelque sorte toutes ces directions qui ont suivi après et qu'on a essayé de développer. Oui, de l'extérieur, j'ai envie d'être tout à fait d'accord, évidemment, avec ça. D'autant que ce que je trouve intéressant dans cette notion de marche telle qu'elle est construite, comme on dit qu'on construit un objet, c'est qu'elle parvient à saisir une dimension de la vie qui est la mobilité, le mouvement, le processus. Ce qui n'est pas si facile que ça à faire, et qui, d'une certaine manière, rejoint un certain nombre d'interrogations aujourd'hui en sciences cognitives, où l'on essaye de s'interroger sur comment est-ce qu'on parvient à créer de la stabilité tout en bougeant, des choses de cet ordre-là. Et ce serait d'ailleurs une question que, peut-être maintenant, peut-être plus tard, je voudrais poser à Jean-François Gaudin, parce que lors de la soutenance de Mlle Ben Slama, tu as fait allusion à la neurophysiologie, à la science cognitive. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être la voie de recherche actuelle. Et c'est Anne Jarigeon. Ah, oui, c'est pour Anne Jarigeon. Oui, pardon. Parce qu'on s'est retrouvé finalement dans. C'était pour Anne Jarigeon. Et je me suis dit, tiens, il y avait presque de cela dans Pas à Pas, mais ce n'était pas encore. Clairement explicité. Et il semblerait qu'aujourd'hui, il y ait un investissement intellectuel fort sur les sciences cognitives dans ce qu'elles peuvent nous dire sur le mouvement, la mobilité, la marche, etc. Mouvement, je veux dire, intellectuellement parlant, que ne font pas beaucoup de chercheurs en sciences humaines aujourd'hui. Les gens sont cognitifs, sont dans un coin, et nous, enfin, et moi, en tout cas, le reste dans un autre. On observe du coin de l'œil, mais on se dit ils ne vont pas nous la faire avec leur réductionnisme à la norme moindre. Enfin bon, on est un peu crampé sur des positions classiques. Et là, j'ai l'impression que tu es moins frileux et tu y vas et que tu observes ce qui se passe. Et même plus qu'observer. J'essaie de retrouver le nom du gars qui est le prof de sciences cognitives ou qui était au Collège de France et qui travaille beaucoup. Berthaud. Voilà. Il y a un micro qui est juste derrière toi. Et sans faire le malin, la seule fois où j'ai vu Berthaud, c'est Bourdieu qui m'avait envoyé le voir pour que je sais quelle raison. Et Berthaud m'a parlé de ses travaux sur la mobilité. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, là, il y a une connexion à faire. Et la marche telle qu'elle travaillait ici résonnerait sans doute chez Berthaud. Puis vous dites qu'il est venu. Donc ça va, le puzzle se met en place. Plusieurs remarques à faire, je suis un peu. La lecture que tu as faite me tend à à cause de la vie domestique, parce que les mondes jeux, enfin bon, voilà, c'est des trucs positifs. Quoi. Dans la critique, j'espérais que ça m'en aide, mais non. Alors, je vais faire plusieurs remarques. La toute première, pour la question de la neurophysiologie, c'est vrai qu'avec Berthoz, représentant du nouveau courant de la neurophysiologie, qui pourtant travaille sur les localisations cérébrales, moi, on avait appris dans mes études de psycho que ça, c'était de la topologie et qu'en fait, ça ne pouvait pas expliquer hein, toute une sélection, les relations intermédiaires, etc. Et même la psychologie quelqu'un. Il se trouve que Berthoz, mais il n'est plus le seul, a fait un grand pas en avant. D'une part, il n'est pas dans le courant des computationnistes, mais plutôt dans ceux des simulateurs, donc dans les neurosciences. Et donc, il a retrouvé assez facilement Merleau Ponty, qui connaît très très bien. C'est un grand lecteur d'Erwin Strauss. Je vais poser le piège, mais bien sûr, j'ai tout lu Erwin Strauss. Et donc, en fait, on se rend compte que la neurophysiologie, même par ces voies d'observation très topologiques, encore qu'il y a souvent des phénomènes de relais, de croisement, d'interaction, avec plus simplement une localisation, une fonction, c'est beaucoup plus complexe, on trouve vérifier les intuitions, même les expériences de Goldstein, de la Gestalt théorie, etc. Donc là, on est en pleine rencontre, ce qui est, je trouve, fort heureux. Les savoirs entre une approche très apparemment mécaniciste, mais qui ne l'est plus, et puis, puis toute la phénoménologie qui s'est essoufflée, peut-être à répéter un peu des choses aussi. Donc, ça, c'est un peu important. Alors, je vais faire une remarque sur ta lecture. Donc, je suis d'accord. je suis d'accord aussi avec la critique que tu fais de David Curtis qui pousse trop sur l'homme de la forêt noire. À la limite, si c'est de ce côté-là, c'est plutôt Mandinet que Heidegger. Non, mais simplement aussi, je voudrais faire deux mises au point importantes d'abord pour tous mes camarades et amis du Cresson. On peut entendre à ta lecture de ma lecture qu'il y a un certain mandarinage, après former toute une série de disciples, je radicalise, hein, et puis ces gens, pour finir, reproduiraient la bonne parole d'origine. Alors, c'est pas du tout l'histoire du Cresson. Hein, je crois que c'est vrai que Mazzappa était le premier ouvrage théorique, mais peu de temps en même temps, il y avait le travail sur l'imaginaire d'Henri Thorg et d'Alain Pessin, et puis Pascal de son côté travaillait déjà. Et puis, moi, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens que j'ai eu la chance et l'honneur de former, quand je crois après ce qu'ils sont devenus, mais c'est par eux-mêmes aussi, première chose. L'histoire du Cresson est plutôt une histoire de compagnonnage, de gens qui venaient pour travailler de façon pluridisciplinaire, et d'abord sur le son. C'était le second objet que pour ma part j'ai travaillé de façon un peu transversale, comme la marche qui offre la chance extraordinaire d'être un terrain qui va partout. Si on peut le dire, on est la marche, et qui à l'époque, hein, les années 70, si on faisait la sociologie de l'État, on n'avait pas besoin de faire la sociologie de loisirs, ce n'était pas les mêmes concepts, pas les mêmes mandarins, pas les mêmes écoles, tout était fonctionné. La marche, on peut aller partout, et si on prend son, c'est pareil. On va partout, de l'acoustique, de la neuro. Tout ce qu'on voudra jusqu'à la mythologie. Donc, ça, c'est bien l'intérêt. Alors, je crois qu'il y a peut-être un certain style, probablement, qui a été mis dans un laboratoire. J'ai été quand même le premier, probablement, à avoir cette influence théorique, mais petit à petit, les gens qui sont venus, c'était pour vraiment travailler dans le même sens. Et travailler dans le même sens, moi, je crois, je fais une lecture du Cresson cette fois. Donc, c'est d'une part, ne jamais faire l'économie de ce que le terrain peut nous dire, et rester très très proche du terrain, tant pis si les retours sont durs, quelquefois, et contredisent nos idées, nos hypothèses. C'est pour ça qu'on a pu faire la pluridisciplinarité. C'est que tout le monde disait, bon, on revient sur le terrain, nous avons des données qui se contredisent entre l'acousticien et l'entretien, on retourne sur le terrain, et puis on va regarder plus près ce qui se passe. Première chose, et puis deuxièmement, parce que c'est aussi l'histoire d'une pluridisciplinarité, pas si facile que ça à faire réellement, c'est le cas de Cresson, je crois, c'est en même temps trouver des concepts descriptifs, c'est trouver des notions. Si on n'a pas des méthodes que chacun peut partager relativement à l'aise, et des concepts descriptifs communs, on ne peut pas avoir des théories pluridisciplinaires qui expliquent le réel. C'est aussi simple que ça. Et pour finir, c'est assez amusant, je reviens un peu sur pas à pas, parce que lu à, presque 30 ans après. Et les Minnesota University Press ne veulent pas changer les photos, ils les veulent telles qu'à l'époque, car c'est déjà de l'archéologie, c'est du patrimoine. Donc, 30 ans après, ça ne se nous rajeunit pas. C'est intéressant de revenir sur le projet lui-même, et le projet, je peux être très bref, c'est un projet de travail personnel qui, comme tout travail intellectuel et travail de terrain, en même temps, s'inscrit contre quelque chose. Alors, on a des choses qu'on refuse. Hein. En fait, c'est la méthode d'innovation. On refuse quelque chose qui ne va pas. J'avais travaillé plusieurs années au CRESAL, et puis dans d'autres labos de sociologie urbaine, des bons classiques, c'était pour finir Marx qui avait raison, ou bon, etc. Et la socio-économie, et je me suis dit à un moment, bon, est-ce qu'on ne peut pas étudier les modalités, les manières. C'est à l'époque que j'ai proposé ce concept de manière d'habiter, de modalité, qui a fait une longue carrière. Donc, ça demande dire non seulement tout de suite pourquoi, parce que j'ai un apparatus théorique fort, mais comment ça se passe. Donc, c'est le terme de modestie que tu utilises, il est issu d'une modestie de quiconque travaille sur un terrain, quoi. Le domaine d'urbanisme, architecture, des sciences sociales sur un terrain précis. Et donc, c'est vrai que du coup, j'avais une thèse à faire, j'ai pris les cheminements pour me débarrasser des chapelles. Du coup, j'ai usé 4 directeurs de thèse, dont le dernier était Sanso, qui a lu non pas 400 entretiens, mais 400 pages d'entretiens. C'est déjà pas mal. C'est de rester là. Et en fait, une fois que j'ai eu ces 400 pages d'entretiens, tout simplement, avec cette méthode, parce que les gens disaient tous la même chose. En général, je vais ici, voilà, pour aller très vite, j'ai ce qui est assez, je reviens pas dessus. Comment avoir de la richesse d'une épaisseur de vie des cheminements sans que les gens aillent vite en généralisant et en disant bon, ben voilà, l'enquêteur est sympa, on va pas perdre de temps tous les deux, en une demi-heure, j'ai rien à faire. Donc, revenir, c'était les obliger à faire l'auto-observation. Donc, ce que tu as dit, je reviens pas dessus. N'empêche que ces 400 pages d'entretien, je ne savais pas quoi en faire. Et j'avais pas d'hypothèse préétablie, de théorie. Sauf mes acquis antérieurs, mes études de philo, mon enseignement de philo, j'avais beaucoup travaillé aussi la linguistique, donc je connaissais Austin, mais c'est vrai que j'ai pas eu envie d'utiliser ce cours-là, à ce moment-là, parce qu'en fait c'était le corps qui parlait. Donc je me suis méfié de projeter une grille de linguistique là-dessus. Et donc après c'était l'idée de trouver comment nommer ce que je voyais apparaître en comparant les cheminements, ce qui était des configurations. Les configurations spatio-temporelles pour un problème, et s'en sortir. D'où je me suis souvenu de mes vieux souvenirs de rhétorique, et puis l'affaire a démarré comme ça. Mais, et puis après, ben, c'était intéressant de tirer des leçons sur les rapports sociaux, sur l'appropriation, sur le corps, sur l'imaginaire, bien sûr. Mais je veux dire que cette histoire, pas à pas, c'est une histoire, au fond, assez simple et modeste, mais d'une démarche qui se passe à l'eau. Je parle du terrain, puis, et ça doit être toute démarche de thèse amantie. C'est ce qu'on dit tous les uns aux autres à nos thésards maintenant, quand on les encadre. Voilà, tu parles quelque chose du terrain, il ne faut pas faire de cadeaux. Si le terrain contrevient aux hypothèses, ben, il faut revoir les hypothèses. Et en même temps, après, il faut trouver des notions, il faut trouver des choses qui avancent et qui soient utilisables par l'autre. Ce que je raconte là ne surprendra aucun enseignant, mon cadre de thèse ou même qui recherche. Donc l'histoire vue par l'autre côté. Mais il s'en une question. Démarche. Est-ce que tu es d'accord avec moi que cette phrase de la page 29 est fondamentale? Cette notion de disposition ou de. Enfin, prétentieusement, bien qu'il pure à l'acto, enfin, c'est-à-dire un dispositif cognitif éventuellement, trouve à s'exprimer ou à se déployer dans différents registres, celui de la marche, comme de la parole, comme de l'écriture. Ce qui te rapprochait de Bourdieu, ce qui peut paraître un peu. C'est vrai que c'est. Non, mais il reste. Pas sur la langue, sur la question de l'habitus et de la disposition. Je vais, c'est vrai que je sais parfaitement bien qu'il y a beaucoup de travail de la philosophie médiévale, je connaissais bien cette notion, que d'ailleurs on retrouve chez Mauss. Oui, c'est ça. Oui, aussi. Alors, mais cette idée, alors, elle m'inquiète un tout petit peu, à la mesure, si tu veux, en deçà de l'expression du corps, de ce que chacun a à faire, on va dire, ou à exprimer simplement en étant là, à sa physique, etc., des choses que tu connais parfaitement. qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est un peu toujours l'idée que se pose, qu'on se pose en architecture ou dans le dessin, avant que tu prennes ton crayon, qu'est-ce qui existe? Alors, on a un grand débat d'un livre magnifique d'ailleurs, La transparence et l'opacité de Junot, Lausanne, un livre magnifique qui a étudié toute cette question de limitation et des avatars de limitation. Et ils l'ont très bien qu'au 19e, on dit non, on ne va pas imiter la nature complètement. Mais alors les symbolistes disent, le dessinateur, le peintre, il a imité une petite forme qu'il a déjà dans la tête. C'est cette idée d'une antériorité conceptuelle qui s'attrait dans le courant de Chomsky, on va dire. Hein, c'est l'espèce de préétabli conceptuel, préétabli conceptuel, qui est déjà là, qui au fond peut passer par toute série de notre expression. Donc ça, c'est pas bien mon école, puisque tu as cité Curtis et Curtis, que nous sommes un peu du bois du point de vue de la théorie. J'ai beaucoup suivi Deleuze, et en tout cas, j'ai pas de lui, l'immanentisme. En particulier, si on travaille sur un terrain, on est d'abord dans l'immanence. On ne va pas projeter des transcendances conceptuelles ou avoir des idées en arrière-fond. Et donc, moi, je pense que tant que quelque chose n'est pas marché, n'est pas dit, n'est pas chanté, enfin, tout ce qu'on voudra n'est pas cuisiné, le second homme de Saint-Cloud, la cuisine, ben, ça n'existe pas. Quoi. C'est de la puissance au sens aristotélicien. Et donc, de ce point de vue-là, je méfierais de dire qu'il y a une disposition globale qui, après, va pouvoir s'exprimer par différents canaux. Je crois que le mode même d'expression, c'est le sens du travail sur les configurations, les significations secondes, vous voyez là, hein, c'est que dans cet esprit, tu exprimes quelque chose, mais tu exprimes quand même aussi. Et ce mode même d'expression peut être aussi important ou plus dans la fatigue, tu connais ça mieux, mais tu les as pris à part, mais tous ces textes-là. Et donc, cette dimension-là est importante. Ce qui me... Moi, je ne sais pas, c'est pas la sensibilité de ce point de vue-là, je ne sais pas beaucoup de choses, mais en tout cas, je méfierais de la thèse même de la disposition de l'adultus, qui est très dans la philosophie aristotélicienne, qui remonte quand même les espèces, les gens, l'adultus, etc. Puis il y a un truc qui est déjà là. Et je ne sais même pas si Saint Thomas d'Aquin a bien lu tout à fait Aristote de ce point de vue-là. Aristote est relu par la phénoménologie d'Aquin. On se rend compte que sa théorie de la puissance est vraiment permet de relire dans le contexte d'une façon extrêmement intéressante. Donc voilà, c'est une position, il y en a d'autres. Hein, on est beaucoup plus du côté de l'abstraction, disons, il y a déjà. Mais la neurophysiologie dont tu parles dit ça aussi. Hein. Tant que les connexions ne seront pas même en termes de mouvement, mouvement perception, il n'y a rien. Il y a un certain potentiel. C'est pour ça que c'est prudent. Alors, langage et action, moi ce qui m'a frappé c'est les homologies. Alors, c'est vrai, ce qui est très remarquable dans la construction des individualités, c'est ce qu'on appelle les styles, les configurations globales, etc. Homologie entre certaines façons de marcher, certaines façons de parler, les styles globaux d'exister, qu'on a tous, qui permettent de reconnaître à quelques mots ou à quelques pas. C'est pour ça que je me permettais de faire un parallèle entre pas à pas et la distinction, tu vois, c'est peut-être que je tire un peu là. On peut dire qu'il y a une homogénéité des pratiques, à la fois personnelle et collective. Bon, mais gros débat là-dessus. Hein, oui, c'est-à-dire, moi je passe plutôt du côté de Bourdieu que de la guerre. Hein, ça, c'est oui. Et si on projette ce débat-là sur la question de l'essence, qui est un débat fondamental au Cresson, il est troublant aussi. Nous, on a beaucoup travaillé sur le son après. Des tests d'odeur, après le tonneau tactile, etc., beaucoup de travaux, pour aller contre une approche scientifique des sens. Mais en même temps, est-ce que chaque sensorialité ne donne pas aussi sa logique propre? Ce qui fait qu'on peut aller à un moment d'unification en disant, on met dans la synesthésie globale, dans le contenu, etc., et d'autres. Le mot qui est à la base d'un existant, d'un vivant, d'ailleurs. C'est la synesthésie. Voilà. Et après, la science est amusée à tout découper. Mais en même temps, on se rend compte qu'il y a des logiques sensibles différentes et qu'on ne peut pas rabattre trop facilement une figure de cheminement sur une figure sur un effet sonore, sur un effet odorant, sur un motif sonore, concept cher à Pascal, un motif lumineux. Alors, en même temps, il y a des méthodes, il y a des façons de penser qui sont semblables, mais ce n'est pas la même chose non plus. Moi, en tout cas, j'aurais une thèse très immanentiste là-dessus. Chaque mode d'expression modèle quelque chose absolument, enfin, dans le fond, qui reste incomparable, le terme interne. Bon, j'ai fait ça, c'est pour que... On voit que c'est très curieux de voir comment des thèses médiévales se retrouvent au cœur de la neurophysiologie la plus contemporaine, hein, ou qu'une psychologie, philosophie du début du siècle, finalement, se trouve en voie de confirmation aujourd'hui beaucoup plus qu'on n'aurait jamais pensé il y a encore 10 ans. Hein. Mmh. On était prêt à vider Janet et compagnie. Quoi. Et bon, moi, ce qui m'a toujours frappé, effectivement, c'est qu'il y avait, je l'ai trouvé, une volonté de maintenir l'actualité d'une certaine psychologie philosophique de la fin du 19e, début du 20e. Dans un premier temps, je trouve ça un peu ringard. Et puis là, je vois bien m'apercevoir qu'aujourd'hui, si on est capable de lire la neurophysio contemporaine, il y a confirmation. L'exemple le plus frappant pour moi est, avant même de me rendre compte que ça avait un ancrage dans la réalité expérimentale et neurophysiologique, c'est la notion de mémoire potentielle à laquelle je faisais allusion pendant mon intervention, que j'ai souvent utilisée de manière un peu métaphorique pour les étudiants et pour les cours de méthode en termes de passation d'entretien. J'en parlais encore la semaine dernière avec Damien Malinas, qui est ici présent, qui est un spécialiste venant d'Avignon de l'entretien, entretien qui ne cesse de faire passer à des publics d'Avignon et de Cannes. Et là, je pense que la notion de mémoire potentielle peut être très, très utile à tout chercheur qui part collecter ses données d'entretien approfondi. Très souvent, on donne pour instruction de faire un bond. On ne donne pas pour instruction d'en faire à plusieurs reprises, ou mieux encore, d'annoncer qu'on va venir en faire un. Et cette opposition à mémoire rétentionnelle et mémoire potentielle, je ne sais pas si méthodologiquement ou façon, c'était l'alpha et l'oméga du travail ici, mais pour moi, je trouvais ça extrêmement fort. La mémoire potentielle, c'est comme on peut être en dire deux mots, j'ai trouvé chez Pierre Janet, que tu viens de citer, un psychologue, philosophe, 1910, qui a écrit un assez court ouvrage sur la mémoire, etc. Et Pierre Janet, il fait une constatation toute faite, mais comme on devrait le faire, parce que c'est l'évidence, mais c'est la plus difficile, il dit pourquoi la mémoire à laquelle on s'occupe est toujours une mémoire du passé. Parce qu'il est toujours, parce que c'était le fameux débat de la fin du 19e, on a saucissonné la faculté, et puis à la fin, il y a la perception, il y a le langage, puis à la fin, il y a la mémoire, et après on dit. Comment on fait pour se ressouvenir ? Voilà, les problèmes commencent. Et donc, la question n'a pas été résolue. Hein, à la fin du GVM, il parle libre, etc. Donc, Janet dit, en fait, dans le vécu, et en situation sociale, qui est très intéressante, on marche exactement à l'envers de la fameuse psychologie des facultés, qui avait tout saucissonné. On a quelque chose à faire, donc on va ne percevoir que ce qui intéresse la tâche, ce que je suis en train de faire, le loisir que je suis en train de faire. Et puis, donc, je ne vais mémoriser que ce qui m'intéresse. Et il fait une espèce de généalogie un peu fantasmatique à la façon de Rousseau, où il dit, c'est le paradigme de la sentinelle. Autrefois, il y avait une tribu sauvage, une primitive, et puis ils se sont fait avoir par les ennemis. Le chef dit à quelqu'un, on commence la division du travail, tu vas te poster au bout du territoire, puis tu observes ce qui se passe. Alors, le type, il va, et puis il voit l'ennemi et il crie « Voici l'ennemi !» L'effet de surprise tombe, etc. Et le chef lui dit « Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu vas sur place, tu fais silence, c'est l'histoire sonore, tu observes, tu entends tout ce qui se passe et tu viendras me rapporter. Et tu ne me raconteras pas autre chose. » Donc, le paradigme de la sentinelle, c'est ne voir que ce qui est racontable, parce que c'est le but, c'est l'ennemi vient. C'est parce que c'est racontable, c'est ce qui est mémorisable, et parce que ce qui est mémorisable est là, c'est juste ce qui est percevable. Donc c'est la sélectivité. Alors, cette mémoire qui est une organisation de la mémoire pour raconter plus tard à quelqu'un, dimension à la fois mémorielle et interactionnelle, elle est en fait, dit jamais, la base du début quotidien. On n'est pas tout le temps en train de se pencher sur le passé, sauf sur le vivant. Donc, il suffisait de penser à ça et de se dire est-ce qu'on peut faire une conduite d'entretien qui respecte cette mémoire-là. Si je travaille sur l'espace vécu, les conditions du vécu, c'est ce type de mémoire, Donc l'enquêteur, il a respecté ce type de mémoire. Après, il suffit de trouver le dispositif pour dire aux gens, vous me raconterez plus tard. Et puis, en plus, d'insérer, contre l'idée de l'entretien non directif, très sceptique, un devoir mutuel. Donc, entre nous, une obligation que l'autre accepte gentiment ou refuse, mais je ne pas accepte, de se mettre à raconter quelque chose à laquelle il se passionne. Bon, il faut que ça renouvelle de la méthodologie de l'entretien, de la même manière que faire l'entretien tout en se promenant avec quelqu'un. Je trouve que ça a un rapport avec c'est ciel, c'est l'art de la mémoire, quoi, de la mémoire au Moyen-Âge où on se promène, on raconte au fur et à mesure que l'on voit le tableau se dérouler parce qu'on a mémorisé la projection. Donc on peut penser que si l'on revient sur un lieu qu'on connaît déjà, mais qu'on demande de le raconter tout en marchant, il y a un mécanisme mémoriel de celui dont Yeats parlait qui se met en branle. Enfin, je ne sais pas si on peut aller plus loin, mais c'est là aussi une perspective qui permet de renouveler l'art et la technique de l'entretien en social. C'est une contribution forte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en aurais plus une. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, moi, je voulais te poser une question. Je pense que c'est par rapport à la mémoire que j'ai de la lecture de Pape. Je me souviens de la fin, essentiellement, par une opposition assez insurmontable entre une logique du vécu, de la perception, et une logique de la conception. Hein, il y a deux tableaux qui nous montrent cette opposition que tu énonces comme antagoniste, non ? Est-ce que, 30 ans plus tard, comment tu relis ça ? Bon, si on lit un petit peu attentivement, on voit que cette opposition entre l'espace vécu et l'espace conçu, j'explique qu'il y a deux logiques radicalement différentes. L'une est une logique beaucoup plus proche de l'imaginaire, une logique à trois valeurs, et l'autre c'est un ou zéro, ça marche ou ça ne marche pas, c'est finançable ou c'est pas finançable, ça tient debout, ça tient pas. Voilà. Ça c'est la logique de la production. Mais en fait, elles sont refondues encore chacune. Toutes les deux, là c'est un peu plus subtil. J'ai dit moi-même, j'ai pu faire un peu d'urbanisme, je connais un peu le métier de l'architecture et de l'urbanisme, et évidemment, c'est passionnant de voir quelles sont les configurations et les rhétoriques de conception des concepteurs. Ils en ont plein. Ils ont plein de manas, de conduites de détour, de par engagement. Il y a un tas de trucs qui se passent dans un studio d'architecture ou d'urbanisme. Combien de projets sont décidés par petit patatomique quand j'ai pas la poubelle, c'est un truc comme ça, et c'est décisif, quoi. Et là, et puis quand on met en jeu l'ensemble des gens qui sont sur la conception de l'espace, y compris les décideurs et les financeurs, c'est infiniment, il y a des jeux rhétoriques fantastiques, il y a des configurations extrêmement intéressantes. Peut-être qu'on pourrait retravailler sur la profession d'architecture et d'urbanisme, en termes d'analyse de la sociologie de la profession, en travaillant comme ça, c'est passionnant. Mais alors, chez l'habitant, mais je le dis aussi, il y a l'espace vécu, il y a cette façon très anti-rationnelle, anti-cartésienne, mais c'est un espace non-newtonien, non-cartésien qu'on voit dans ces conduites de cheminement. Et en même temps, les gens le charrient complètement, ils reproduisent aussi les idéologies dominantes, comme on disait à l'époque. Et le problème d'entretien, c'est qu'on est en dessous. Mais dans toutes les opérations de participation, vous connaissez bien, c'est la même chose. Il y a les habitants qui prennent le jeu de la participation, donc ils apprennent à faire le petit architecte, qui achètent des manuels, qui viennent avec des petites maquettes, qui disent voilà, mais qui prennent le langage de l'architecte, puis il y a d'autres qui ne le font pas. Puis il y a eu, et il y a des fois des architectes, des maîtres d'ouvrage, qui laissent parler les gens, qui viennent avec le projet tout fait, ou déjà avec le fond de plan, avec le fond d'opération, mais qui disent voilà, on a envie de faire un truc quelque part, donc il y en a. Donc c'est pas si radical. Mais je pense que le mode de production actuel, il reste antinomique, et c'est une logique différente. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas en même temps des petits bouts de chaque côté qui sont un peu des répliques. Les architectes urbanistes sont aussi des gens qui vivent, qui sont dans l'espace vécu. Dernière intervention, puis après on va poser. Sur cette question de mémoire, il y a deux choses qui m'ont surpris. C'est le retour sur le terrain tout à l'heure, puisque je me demande bien ce que c'est que ce terrain. parce que je ne crois pas que le terrain ce soit l'espace sur lequel on a enquêté seulement. Je pense que l'espace est métaphorique au moins, et sans doute plus que peut-être le mot métaphorique est un mauvais mot d'ailleurs. En tout cas, il existe ailleurs. Quand je pense à ça par rapport à l'anthropologie, où je pense à Malinowski quand on relit son journal, c'est peut-être autant son terrain, c'est de la recontextualisation du terrain aujourd'hui. Et je pense que le contexte de l'enquête n'est pas objectif. C'est une époque, il y a une interaction entre l'enquêteur et le terrain à un moment donné. Et le terrain n'existe que dans cette configuration. Enfin, je pose cette question parce que je me demandais ce que vous voulez de leur dire de revenir sur un terrain sans la situation. C'est une autre. Et l'autre chose sur la mémoire, je posais la question parce que sur le crédit de la mémoire d'activité, je suis même assez d'accord. Bien que moi je travaille beaucoup avec cette notion, mais parce que je trouvais assez extraordinaire l'idée de dos contre dos, que je me souviens de donner tout à l'heure, parce que ce que je trouvais extraordinaire dans la marche, précisément, c'est que peut-être, je retrouve le concept de Deleuze quand il parle de Proust sur la mémoire involontaire, c'est-à-dire que la construction même d'un récit, en termes de mémoire potentielle, est très différente si celui qui peut énoncer, qui peut constituer son récit, être en marche, parce que sans doute il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'une vraie théorie, peut-être, qui permet peut-être de dépasser la position de la directivité ou d'autres codons d'une autre façon, par exemple, de la mémoire engagée, je ne sais pas. Mais je pense à ça parce que je me demande si, quand on parle de rhétorique de la marche, s'il n'y a pas un don ou une articulation d'une rhétorique à celle de l'autre, ce qui est possible parce que le marcheur met en ordre oralement. Où il semble maîtriser l'ordre de sa constitution. C'est ça que je pensais à cette mémoire volontaire dont Deleuze Prasse parle quand il parle de Proust. Termine sur la mémoire. Je ne sais pas si j'ai très bien compris. Inventaire. Tu parles des marcheurs entre eux ou de l'enquêteur et du marcheur. Mais celui qui écoute, l'enquêteur et le marcheur. Pas, il n'y a pas d'objectivité, absolue, même d'objectivité comme telle dans des lectures d'entretien, mais par contre, il y a la dimension méticuleuse. Alors, je ne sais pas si j'ai valorisé les figures, non, mais je ne crois pas, parce qu'il y a des figures très différentes. Le catalogue de figures, il est assez grand. Certains l'ont connu, le barbare, le paratopiste. Il y en a d'autres, non. Par contre, ça, voilà. Non, barbare, non, mais voilà. Mais il est sûr que l'empathie, par contre, alors, ça c'est évident dans ce genre de méthode, l'empathie c'est fondamental. Pas la sympathie, l'empathie. C'est là où on pourrait conduire, dans la post-phase de la misère du monde. Ouais, oui, oui. Voilà, on va continuer la discussion si vous voulez bien. Plus d'un quart d'heure d'ailleurs.